Cinquième partie, chapitre 6 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Cinquième partie, chapitre 6. Examen de l'état de l'âme à l'égard du prochain. Il faut bien aimer un mari et une femme d'un amour doux et tranquille, ferme et continuel, et que ce soit parce que Dieu l'ordonne ainsi. J'en dis de même des enfants, des proches parents et des amis, selon le degré de liaison qu'on a avec eux. Mais pour parler en général, quel est votre cœur à l'endroit du prochain? L'aimez-vous bien sincèrement et pour l'amour de Dieu? Pour bien en juger, représentez-vous quelques gens déplaisants, envieux et d'une malpropreté dégoûtante, d'autant que c'est là où se trouve l'amour de Dieu pour le prochain, et beaucoup plus, quand on traite bien ceux qui nous ont offensés par leurs actions ou par leurs paroles. Examinez si votre cœur n'a rien contre eux, et s'il ne sent pas une grande répugnance à les aimer. N'êtes-vous point facile à parler du prochain désavantageusement, et surtout de ceux qui ne vous aiment pas? Ne nuisez-vous à personne, ou directement ou indirectement? Pour peu que vous soyez raisonnable, vous vous en apercevrez facilement. Fin du chapitre 6, cinquième partie.